Mali ou là-bas. Moi, pas plus de quoi va vivre, mesdames. Allez, non, Mali ou là-bas. Kibeleza. Allez-vous-en, ancien photo à pédale, coussin PC, bois fouillé, corédan, coloquetan. Moi, des changements, outside.